Longévité amoureuse. L'idéologie de la vie de couple a connu une forte transformation ces dernières années. Et ce, pas forcément dans le bon sens, même si le droit au divorce est une avancée tout comme l'émancipation des femmes. Il se trouve qu'en apportant des solutions à certaines problématiques, ils en ont engendré d'autres. En effet, dans notre société individualiste, les compromis ne sont plus vraiment à l'ordre du jour, car chacun revendique son besoin de liberté. Les femmes ont de nouvelles priorités depuis qu'elles ne sont plus tributaires du salaire de leur mari. Et les hommes n'ont plus vraiment d'état d'âme à zapper une famille pour en fonder une autre. Quant aux histoires d'amour, elles sont devenues des produits de consommation. Une fois que le concept est dépassé, on se tourne vers la nouvelle version dans l'espoir d'y trouver l'accomplissement, sans pour autant se remettre en question. Ceci pour la simple raison que nourrie d'indépendance et d'égoïsme, de moins en moins de personnes savent vivre ensemble pour se soutenir et s'aimer à travers les épreuves, puisqu'à la moindre contrariété, la séparation est actée. Certains, brisés par la désillusion d'une histoire d'amour avortée, n'arrivent plus à faire confiance et préfèrent la solitude à la potentialité de souffrir à nouveau en se risquant dans une nouvelle aventure. Pour d'autres, la tendance est de vivre séparément en ne partageant que les plaisirs de la vie, comme les sorties, les vacances et le sexe. Mais qu'en sera-t-il le jour où l'un ou l'autre subira un accident de la vie, tel qu'une perte d'emploi ou une maladie invalidante? Fort à parier que le ou la partenaire sera aux abonnés absents, car de nos jours, personne ne signe plus pour le pire. Forcément, cette solution est bien plus facile que de se battre avec et pour quelqu'un. Surtout que les valeurs synonymes de respect, d'entraide et de compréhension se font de plus en plus rares, au point que d'ici quelques années, ces mots disparaîtront probablement des dictionnaires. Pourtant, lorsqu'on en croise un couple de personnes âgées, la tendresse réciproque se lit sur leur visage. Ils claironnent d'ailleurs fièrement d'avoir dépassé les 50 ou 60 ans de vie commune, alors que pour eux, l'existence n'a certainement pas été plus simple que pour les conjoints actuels. À n'en pas douter, la force d'un couple vient des obstacles qui ont été supérieurement surmontés à deux. D'autant plus que c'est dans la douleur qu'on a besoin de s'épauler en s'aidant de la puissance du lien amoureux. Il est peut-être utopique de croire au mariage idéal. Toutefois, le vrai challenge serait de s'adapter lorsque l'évolution de chacun diffère, plutôt que d'abandonner lâchement le navire. C'est pourquoi il faudra tirer des leçons du passé tout en réinventant une vie de couple harmonieuse et pérenne adaptée à l'évolution des mœurs. Il faut espérer qu'après avoir souffert des relations instables et quelquefois douteuses de leurs parents, la génération à venir sera capable de concevoir les rapports amoureux sur des bases saines pour aboutir à une stabilité émotionnelle et une vie de famille équilibrée. C'était Evan Matisse et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.